vis-à-vis de toi, je viens à ta rencontre. Toi qui ôtes mon chagrin, tu me couvres de ton amour. Et ton sublime amour me propose mieux que tout. Et mon cœur rempli de joie ne peut que s'enflammer. Mon cœur rempli de toi, je viens à ta rencontre. Toi qui ôtes mon chagrin, tu me couvres de ton amour. Et ton sublime amour me propose mieux que tout. Et mon cœur rempli de joie ne peut que s'enflammer. Je t'aime Seigneur. Je t'aime d'un amour sincère. D'un amour. Pour moi, je t'aime. Oh oui, je t'aime.